بسم الله الرحمن الرحيم. سنخوض اليوم السؤال 21. 21 question. سئل الشيخ رحمه الله ما حكم لعن الشيطان كقول بعض الناس لعنة الله الشيطان ولعنته الشيطان plutôt. Donc le cheikh est interrogé. Qu'en est-il de maudire Shaitan comme des gens qui diraient que la malédiction soit sur Shaitan. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَدَّبْ بِمَا وَجَّهُ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَأَنْتَ إِذَا اسْتَعَذْتَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَعَوَّذْتَ بِعَظِيمِ عَزَّ وَجَلَّ تَعَوَّذْتَ بِعَظِيمِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلِمْتَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَسَلِمْتَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. Donc l'auteur a répondu, rahimahullah ta'ala, que ce qui est meilleur, c'est que la personne s'en tienne à ce que Allah azawajal a indiqué dans son livre à ses serviteurs, qu'ils prennent le comportement légiféré dans le sens où Allah a dit, et si jamais tu sens que Shaitan t'appelle à la tentation, alors recherche refuge auprès d'Allah. Donc toi, si jamais tu recherches refuge auprès d'Allah de Shaitan, alors tu t'auras pris refuge auprès d'un azim, c'est-à-dire auprès d'Allah Azawajal, et tu auras été épargné du mal de Shaitan. وَأَمَّا إِذَا لَعَنْتَهُ فَقَدْ لَعَنْتَ مَلْعُونَ فَلَعْنُكَ إِيَّاهُ يَكُونُ بَعْدْ أَنْ حَقَّتْ عَلِي اللَّعْنَ وَلَيَسْتَفِيدُ وَلَا تَسْتَفِيدُ أَنْتَ أَيْضًا شَيْئًا بَلْ وَمَلْعُونَ سَوَاءٌ لَعَنْتَهُ أَنْتَ أَمْ لَمْ تَلَعْنُهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ خَيْرًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فالذي أنصح به أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم إذا مسه طائف من الشيطان ونزعه نازغ. Donc il a dit, maintenant toi si jamais tu le maudis, tu auras maudit celui qui est déjà maudit à la base, car ta malédiction n'aura lieu qu'après que celle que Allah Azzawajal a faite déjà. Tu vas rien porter de nouveau en fait. Donc ni tu te profiteras à toi, lui ni ne profitera de ta malédiction, ça n'apportera rien à lui, car il est déjà maudit. Que tu le fasses toi ou que tu ne le fasses pas, il est maudit de toute façon. Donc il n'est pas possible que tu viennes avec une chose qui soit meilleure que ce que Allah Azzawajal a indiqué. Donc c'est pour cela que l'auteur dit, je conseille aux gens de chercher refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan, si jamais ils sentent que ses insufflations ne les atteignent et qu'ils ne les tentent de faire un mal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire « l'anatullah à la Shaitan », parce que le Shaitan il veut t'appeler à faire un mal, tu recherches refuge auprès d'Allah Azzawajal. C'est le meilleur comportement à avoir. ثم سئل في السؤال الثالث بعد الثالث والعشرين نعم 23 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيك في قول بعض الناس يا لطف الله يا وجه الله. Donc il fait interroger, quel est votre avis à propos de la parole de certaines personnes qui disent ô douceur d'Allah, ô visage d'Allah. Donc en français on traduirait comme ça. فأجاب رحمه الله تعالى إذا قال يا لطف الله فقط ولم يكن لطف ألتف به فلا حرج لأن يا هنا لتمني يعني أتمنى لطف الله. Donc il a dit, si la personne a dit ô douceur d'Allah et qui ne dit pas sois doux envers moi, alors il n'y a pas de mal, car ici lorsqu'on dit ya, à la base ya en arabe c'est un harf, particule de, pour appeler, qu'on traduit nous par O. Quand tu dis « Ya, Foulen », c'est comme si tu disais « O, un tel », c'est-à-dire tu lèves ta voix pour l'appeler. Donc à ce moment-là, il dit là « Ya », ce n'est pas pour appeler, mais c'est pour exprimer un désir. C'est-à-dire « J'espère la douceur d'Allah ». Au moment où tu dis « Ya, lutf Allah », ça revient à dire « J'espère la douceur d'Allah ». Car en apparent, lorsqu'on dit « Ya lutf Allah », on dirait que tu appelles la douceur d'Allah. Et l'auteur a dit, c'est pas ça que les gens ils veulent. Eux, ils veulent, dans ce terme-là, espérer, en fait, la douceur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « وَمَّا إِذَا قَالَ يَا وَجْهَ اللَّهِ فهو يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc il dit maintenant, lorsque quelqu'un dit « Oh, visage d'Allah », en fait, quand il dit cela, il veut Allah directement, et non pas le visage, non pas la face toute seule. Car le visage d'Allah, azawajal, des fois, il est interprété comme étant Allah directement, comme dans le sens où Allah dit « Et ne restera que le visage de ton Seigneur plein de splendeur et de noblesse. » Sourate Ar-Rahman, miséricordieux, verset 27. C'est-à-dire qu'en fait, dans le verset, Allah dit que ne restera que lui, et non pas que son visage, bien évidemment. Que Allah, dans son essence entière, restera, et non pas que son visage. Donc là, le visage, dans ce verset-là, veut dire Allah bizati. Bien, après il dit, l'auteur, Al-Muhim an al-Wajj, lamma kana yu'abbar bihi an al-Zat, ma'a thubut al-Wajj haqiqatun. أو حقيقة صح أن يقول يا وجه الله يعني يدعو الله عز وجل. Il dit lorsque le visage dans ce genre de situation, ce qui est voulu par le visage, c'est l'essence d'Allah directement. Mais malgré tout, le visage est quand même un attribut affirmé d'Allah عز وجل. La face d'Allah, c'est quand même un de ses attributs. L'auteur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de visage. Il y a un visage. Allah, il a un visage, comme il l'a dit lui-même. Mais dans ce verset-là, ou dans d'autres situations, parfois le visage, on interprète par cela Allah directement. Donc quand quelqu'un dit « Ya wajh Allah », c'est comme s'il disait « Oh Allah ». Naam. « Wama al-lutf fawwa sifatun ma'nawiyya iza kana yaktasir ala qawlihi ya lutf Allah ya'ni yatamanna lutf Allah Allah azza wa jalla fala baisa bih. » Et il dit, par contre, à l'autre, ça c'est un sifat qui, elle, n'est pas lié à l'essence d'Allah, contrairement au visage, ou aux mains, مثلاً, ou aux pieds, ou les yeux, ou rel zalika. À l'autre, ça c'est un acte. C'est un acte. Donc c'est le sifat marnawiya. Je ne sais pas comment traduire cela, un attribut, qui, lui, n'est pas rattaché à l'essence d'Allah directement, mais à ses actes. Donc il a dit, si jamais on dit seulement « Oh, douceur d'Allah », ça revient comme il a dit au début, « Oh », ça veut dire que j'espère la douceur d'Allah. Donc pas de mal à dire cela. « Amma idha da'a asifa, qala ya lutf Allah, alutf ultuf bi, ya lutf Allah, ultuf bi, awghfir li, fa'adha la yajouz, kama qala shaykh al-Islam, rahimahullah ta'ala, inna du'a sifat min sifatillahi kufrun bil ittifaq. » Il dit, par contre, maintenant, quelqu'un qui dirait « Oh, douceur d'Allah, sois douce envers moi » ou « Pardonne-moi » ou autre que cela, cela n'est pas permis. Car comme l'a dit Cheikh l'Islam, invoquer les attributs d'Allah, cela est de la mécréance à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on invoque Allah, on n'invoque pas ses attributs. À bien comprendre. Ne pas confondre avec le fait de jurer. Jurer par Allah, on peut jurer par Allah, par ses noms et attributs. Mais l'invocation, on invoque Allah. On dit « Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim » par ses noms. Mais c'est Allah qu'on veut. Par contre, on ne dit pas « Ya Rahmatallah, Ya Hamni »« Oh, miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. »« Ya Radab Allah, مثلاً, Ka ala fulen »« Oh, colère d'Allah, tombe sur un tel. » Là, ça c'est pas permis, ça. Invoquer l'attribut en lui-même, cela est de la mécréance qu'on a dit chez l'islam. Donc différencier entre les mas'alas. Donc voilà ce que l'auteur il a dit dans ces questions-là. Walhamdulillah bil alamin.